France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le troisième numéro de notre série Sport Sensible, aujourd'hui Marco Pantani, tour à tour surnommé l'Elefantino pour ses oreilles décollées et le pirate pour son style et sa fougue dans le peloton, Pantani a marqué de son empreinte les années 90. En 1998, il remporte le Giro. Deux mois plus tard, alors que le Tour de France est marqué par l'affaire Festina, il s'offre le Tour de France, magnifique doublé. En Italie, où le cyclisme est l'un des sports nationaux, Pantani devient une star, mais aussi, hélas, une étoile filante qui disparaît trop vite des pelotons, un an seulement après ses succès, à cause d'une suspension pour suspicion de dopage. Tel un phénix, Pantani tentera plusieurs retours, comme après les nombreuses chutes qui ont émaillé sa carrière, mais il ne réussira jamais à retrouver sa splendeur. Le 14 février 2004, il est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Rimini. Selon les analyses, il aurait consommé une très forte quantité de cocaïne. Alors l'Italie s'interroge. Overdose, suicide ou meurtre déguisé? Plus de 17 ans après la mort de son fils, Tonino Pantani se bat encore et toujours pour obtenir la vérité. Notre invité aujourd'hui, Philippe Brunel, journaliste sportif, auteur du livre « Vie et mort » de Marco Pantani. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Pantani, Pantani, eccolo scatto di Pantani. Septembre 2014, Cesenatico, station balnéaire située sur la côte adriatique italienne. Ce jour-là, dans le cimetière de la ville, il y a foule. C'est une étrange procession de cyclistes, tous sur leur vélo, qui se présentent devant le petit mausolée de la famille Pantani. Une grande partie du peloton professionnel est venue se recueillir sur la tombe de Marco, 10 ans après sa mort. Ils sont français, allemands, italiens, russes ou colombiens. Tous ont admiré les exploits du champion italien lorsqu'ils étaient encore enfants. L'un après l'autre, chaque coureur dépose une gerbe de fleurs en se remémorant les exploits du pirate, l'ange de la montagne. L'italien Elia Viviani témoigne devant la caméra de Stade 2. Pantani reste un champion qui a gagné le Giro et le Tour. Et je crois qu'aujourd'hui, il est encore le coureur italien qui a amené le plus grand nombre de fans sur le bord des routes. Depuis la mort du grand champion italien, les fans de vélo, amateurs ou professionnels, sont nombreux à venir lui rendre hommage. Tous peuvent observer la stèle déposée le 28 mai 2005, où l'on peut lire « À Marco Pantani, un grand champion victime de la justice italienne, un grand homme bon et généreux qui a toujours tout pardonné. Tu seras toujours dans notre cœur avec ton sourire. C'est comme ça que nous nous souviendrons toujours de toi. » Ces visites réchauffent le cœur de la mère du champion, Tonino Pantani, qui a créé un musée qui retrace le parcours de son fils. Sur les photos exposées, on peut voir le jeune Pantani, une graine de champion. Nous sommes au début des années 80. À table ce soir-là, les parents de Marco s'impatientent. Le jeune garçon est encore en retard. Où est-il encore allé traîner? Le père s'apprête à lui donner une leçon. Quand le jeune Marco revient enfin à la maison, il lance à ses parents. « Je suis désolé, je suis parti faire du vélo après le collège. J'ai fait 50 km pour grimper les collines de Sarcine. » Que répondre à ça? Impossible de le réprimander ou de doucher son enthousiasme. Depuis que son grand-père lui a offert un vélo, Marco passe son temps sur les routes. Et il s'imagine déjà parcourir les étapes de Giro et du mythique Tour de France. Dur à la tâche, volontaire et robuste, le jeune Marco aime les efforts intenses qu'exige la pratique du cyclisme. Si bien que ses parents n'ont guère le choix. Ils l'inscrivent au club de la ville, le GS Fausto Coppi, du nom d'un grand cycliste italien des années 40 et 50. Issu de la classe populaire, comme Pantani, Coppi avait remporté 2 Tours de France et 5 Tours d'Italie. C'est en 1993 que Marco Pantani goûte à son tour à son premier Giro. Vainqueur du Baby Giro l'année précédente, Giro égale Tour d'Italie. Il est l'un des espoirs pour la relève italienne. Avec le physique idéal du grimpeur, 57 kg pour 1m72. Dès le début, il se met au niveau des meilleurs. Malheureusement, une chute au cours de la 18e étape l'oblige à abandonner la course. Dans son ouvrage « Vie et mort » de Marco Pantani, le journaliste Philippe Brunel évoque le destin de ce coureur marqué par les chutes. On ne comptait plus ses chutes, ses fractures et ses mois passés à ressouder ses os brisés dans l'eau réparatrice d'une piscine. Fracture de la clavicule droite et du poignet en 1985. 1986, il percute un camion à l'arrêt, traumatisme crânien, fracture du nez, un jour de coma. Baby Giro, en 1990, dès le prologue, il glisse sur une plaque d'huile. Quelques jours plus tard, un éboulis se décroche de la montagne et s'encastre dans sa roue. Nouvelle chute. Juin 1994, Marco Pantani a 24 ans et pour sa deuxième participation au Giro, il fait sensation. Le 4 juin, il gagne la première étape de sa carrière dans un grand tour, à Merano. Le soir, avec ses coéquipiers, il savoure sa victoire, attablé à la terrasse d'un bar de la station thermale. Au loin, les coureurs aperçoivent les sommets dentelés des Dolomites. Marco est félicité par le leader de son équipe, Claudio Chiappucci, surnommé Diablo. Il a dû abandonner le tour dès la quatrième étape, mais il compte sur son jeune coéquipier pour prendre la relève. D'ailleurs, on surnomme Pantani il Diablito, le jeune coureur italien d'un naturel réservé esquisse un sourire. Détendu, il annonce à ses coéquipiers « Et si j'allais chercher une deuxième victoire demain ?» Tout le monde approuve, car tous croient en ses chances. Le lendemain, le Diablito tient son pari et impressionne tous les observateurs lors de l'ascension du col du Mortirolo. Il surpasse les deux favoris du tour, Evgeny Berzin et Miguel Indurain. Dans l'émission Stade 2, Jean-Paul Olivier fait part de son admiration. Mais je voudrais tout de même vous parler d'un homme aujourd'hui qui fait sensation. Il a fait sensation hier, il a gagné l'étape. On a dit c'est feu de paille, c'est pas grand-chose et tout, ça va être terminé. Et aujourd'hui, il remet ça. Il gagne l'étape, la grande étape, du Stelvio. C'est un garçon qui s'appelle Marco Pantani. Il a 24 ans. Mais croyez-moi, c'est un coéquipier de Chiappucci. Il ira loin celui-là. Regardez les images que nous avons reçues. Il a attaqué dans un col, dans cette 15e étape, qui s'appelle le col du Mortirolo, à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Il a été rejoint par Miguel Indurain ensuite, passé à l'attaque contre Berzin, mais il va se détacher une nouvelle fois dans le dernier col à une dizaine de kilomètres d'Africa. Voici ici Miguel Indurain, qui va donc rejoindre cet homme, regardez-le, suivez-le, il ne s'appelle pas Perini, il lui ressemble, il fait partie de la même équipe jadis, avec son crâne dégarni. Il avait gagné le Giro amateur en 90 et hier, il a gagné sa première course, sa première épreuve professionnelle. Grand bonhomme pour gagner deux étapes de col. Et pour impressionner Jean-Paul Olivier en cyclisme, il en faut, donc on suivra ce garçon de très près. Jean-Paul Olivier ne se trompe pas, le potentiel de Marco Pantani est immense. Il boucle son premier Giro à la deuxième place, devançant le triple vainqueur du Tour de France, Miguel Indurain. Et c'est précisément sur la grande boucle que Pantani va confirmer son excellent début de saison 94. Le 2 juillet à Lille, avant le début du Tour, il déclare « Je suis venu pour découvrir, pour apprendre et pour aider Claudio dans les ascensions. » Très bien, sauf qu'à chaque étape de montagne, il ne fait pas qu'aider. Non, il donne sans compter en partant à l'attaque. Et il termine 3e à Lourdes-Otacam. Mais lors de la 17e étape entre Bourdoisan et Val Thorens, il chute dès le début de la course. France 3 rapporte cette grosse frayeur. Kilomètre 20, Marco Pantani chute dans la descente du Rivier d'Allemand, juste avant l'attaque du Glandon. Il se relève, vélo abîmé, mais corps meurtri. Pantani a mal, il grimace, saigne du nez, a le genou abîmé. Le grimpeur le plus extraordinaire de ce Tour de France va-t-il abandonner ? Oui, il pense un temps à l'abandon, mais il remonte sur son vélo et passe plusieurs minutes près de la voiture du médecin. Et là, miracle ! Kilomètre après kilomètre, la douleur s'estompe. Pantani recolle au peloton. Quand il aborde l'ascension de Val Thorens, il se sent d'attaque. Et au courage, il parvient à terminer 3e de l'étape. Marco Pantani force le respect, l'admiration. Et si Miguel Indurain empoche son 4e maillot jaune d'affilée, l'Italien, lui, finit 3e et repart avec le maillot blanc de meilleur espoir. En quelques mois, il s'est fait un nom dans le peloton. Le 1er mai 95, la malédiction continue. Il chute à l'entraînement, fauché par une voiture qui grille un stop dans les collines d'Émilie-Romagne. Blessé et immobilisé 3 semaines, il jette l'éponge pour le Giro. Début juillet, tel un phénix, revoilà Pantani sur la grande boucle. Avec un nouveau look d'ailleurs, tête rasée et crâne luisant. On remarque mieux ses oreilles décollées et il gagne un surnom, l'Elefantino. Cette fois, c'est lui le leader de l'équipe. C'est son tour, si je puis dire. Comme à son habitude, il prend son mal en patience pendant les étapes de plaine et il attend impatiemment la montagne. Sur son calendrier, il a coché la 12e étape entre la Plagne et l'Alpe d'Huez, un must. Au pied de l'ascension, il attaque de manière foudroyante. Il rattrape les échappés, fend la foule en délire et s'envole en solitaire vers le sommet à travers les 21 virages mythiques de l'Alpe d'Huez. Bilan de la journée pour l'Italien, victoire d'étape et record de l'ascension, 37 minutes et 35 secondes. Un journaliste qui lui pose un jour la question « Marco, pourquoi vas-tu si vite en montagne ?» Eh bien, il répond « Pragmatique, pour abréger mes souffrances. » Oui, la souffrance, la douleur et le chagrin, c'est ce qui va marquer le Tour de France 95 pour Pantani. Lors de la 15e étape, son compatriote Fabio Casartelli fait une chute mortelle. France 2 relate ce dramatique événement. Immobile et pratiquement déjà sans vie, Fabio Casartelli gît même le sol dans une mare de sang. À ses côtés, d'autres coureurs, impliqués dans une chute terrible. On est au 34e kilomètre de la 15e étape du Tour de France. Au détour d'un virage de la descente du Porté d'Aspé, le drame a frappé. Manifestement, l'Italien a heurté une des bornes en béton qui longe la route. Le choc le plonge alors immédiatement dans un coma profond. Malgré l'intervention rapide des secours et une évacuation par hélicoptère, le jeune coureur de 25 ans ne peut être réanimé. Profondément affecté, Pantani rend hommage à son ami le lendemain. Et dans l'étape qui suit, il perd tout espoir de maillot jaune et même de podium. Mais pour la deuxième fois consécutive, il quitte la France avec le maillot blanc de meilleur jeune. Donc, rendez-vous l'année prochaine. Il se trouve que Pantani n'est pas né sous une bonne étoile. Oh, des chutes, il en a subi. Il s'est toujours relevé. Mais en ce jour du 18 octobre 1995, lors de la course à Milan-Turin, il voit la mort devant lui. L'écrivain Jacques Josse raconte dans son livre intitulé « Marco Pantani a débranché la prise ». Il reste 7 km à couvrir quand soudain, lancé à 80 km/h dans la descente de l'ultime col, il voit surgir une Jeep circulant en sens inverse. Elle lui fonce droit dessus, il n'a pas le temps de freiner, et pas plus de l'éviter. Elle le percute de plein fouet. Il passe par-dessus le capot et retombe lourdement sur la chaussée. Il hurle, il est en sang, il souffre le martyr, il n'ose pas regarder ses jambes. Il doit se battre pour rester conscient. Très vite, les secours se pressent autour du coureur. On le soulève délicatement pour le déposer sur une civière. Transporté d'urgence à l'hôpital de Turin, il est envoyé directement en salle d'opération. Heureusement, le pronostic vital n'est pas engagé. Mais il souffre d'une double fracture tibia péronée. À 25 ans, c'est peut-être la fin de sa carrière. Lui qui est tombé si souvent, se relèvera-t-il cette fois ? Avril 96, l'Elefantino donne enfin des nouvelles. De son lit d'hôpital, il évoque les suites de son opération à la télé italienne. Ancora devo stare attento. Je dois encore faire attention à ce qu'il n'y ait pas de complications. Donc, pour l'instant, on ne peut pas précipiter les choses. On ne peut pas dire à partir de demain, je m'entraîne, je fais du vélo et j'essaie de rattraper le temps perdu. Ce serait prendre des risques inutiles. Alors, attendons le jour où tout sera réglé, probablement dans 20 jours, et alors je recommencerai ma préparation. Et on espère revenir le plus vite possible, même si je pense que ce sera quelque chose de long. Difficile di lungo. Août 1996. À force de volonté et de séances de rééducation, Pantani remonte sur un vélo. Ce jour-là, près de Rimini, il fait une chaleur caniculaire. Marco est bronzé, souriant. C'est sa première course depuis son accident. Dans le public, il y a Christina, sa fiancée danoise, rencontrée en boîte de nuit. Bon, l'heure n'est pas encore à la performance, mais mois après mois, il retrouve son niveau. Lorsqu'il prend le départ du Giro en mai 97, tout le peloton est admiratif. Marco est un revenant. Peu de monde croyait à son retour. Lui arbore un nouveau look, avec un anneau argenté à l'oreille. Lui, qu'on appelait plus jeune le Diablito, puis l'Elefantino, gagne un nouveau surnom, Il Pirata, le pirate. Et il aime bien l'idée. Dès la cinquième étape, il part à l'abordage et attaque dans le massif des Apennins. Marco n'a pas totalement retrouvé son coup de pédale, certes, mais il termine l'étape sur une troisième place, synonyme d'espérance. Lors de la huitième, qui se déroule le long de la baie de Naples, il est pris dans une chute collective. Décidément, le sort s'acharne. Et c'est l'abandon. À l'hôpital, Marco est dégoûté. Tous ses efforts pour revenir sont anéantis en quelques secondes. De son lit d'hôpital, il ne lui reste plus qu'à admirer les splendeurs de la côte amalfitaine. À ceci près qu'on aurait pu appeler le pirate le Sphinx, dont la particularité, on le sait, est de renaître de ses cendres. De fait, sur le Tour de France 97, Pantani enchante de nouveau les foules attroupées sur les routes des étapes de montagne. Et il s'offre encore une victoire à l'Alpe d'Huez, battant son propre record de l'ascension qui tient aujourd'hui encore. Deux jours plus tard, nouvelle victoire à Morzine. Il termine la grande boucle sur le podium, derrière Richard Virenque et le maillot jaune Jan Ullrich, surnommé l'ogre de Rostock. Dimanche 7 juin 1998, Marco Pantani peut savourer ce moment, son moment. Après tant de chutes et d'efforts, il vient de remporter le Tour d'Italie. Deux légendes italiennes le félicitent. Il vient de mettre un premier pas dans le panthéon du cyclisme transalpin. Jacques Josse raconte ce moment. Le dimanche 7 juin, quand il descend du podium à Milan, les bras chargés, les larmes aux yeux, il ne sait que dire à tous les micros qui se tendent. Il leur tourne ostensiblement le dos. Près de lui, Felice Gimondi, qui s'est faufilé au milieu de la foule massée sur la Piazza Duomo, le félicite et lui donne une longue accolade. Dans la soirée, Gino Bartali, 84 ans, décroche son téléphone pour lui avouer que son culot, sa fougue, sa fantaisie et ses belles envolées dans la montagne lui ont permis de rajeunir de quelques décennies. Celui que l'on surnomme le Pieux, trois Giro à son actif, le remercie et promet de le suivre à la télévision dans la fraîcheur de son salon à Ponte Aema tous les après-midi de juillet. Cet été-là, les Italiens sont devant leur télé les après-midi de juillet. Mais pas que les après-midi, les soirs aussi. Comme celui du 3 juillet, en ce jour où Luigi Di Baggio envoie son pénalty sur la barre transversale de la cage de Fabien Barthez. La Squadra Azzurra éliminée, la France file en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Le 8 juillet, alors que tous les Français n'ont qu'une chose en tête, le match contre la Croatie à venir, match de football bien sûr, un soigneur de l'équipe cycliste Festina est arrêté à la frontière belge. Dans le coffre de sa Fiat, tout un arsenal est trouvé. 235 ampoules d'érythropoïétine, plus connues sous l'acronyme EPO, ainsi que 120 capsules d'amphétamine, 82 solutions d'hormones de croissance, 60 flacons de testostérone et des corticoïdes. C'est le début de l'affaire Festina, dont nous avons déjà consacré un épisode d'avant Affaires Sensibles. C'est donc dans une ambiance, disons, spéciale que débute le Tour de France 1998, qui démarre en réalité d'Irlande, où Marco Pantani est une star, comme ailleurs. Mais jour après jour, la grande boucle est secouée par les révélations et les perquisitions. Au bout de la septième étape, l'équipe Festina et son leader Richard Virenque sont invités à plier bagages et à quitter le tour. De son côté, l'ogre de Rostock, Jan Ullrich, n'est pas perturbé. Alors, le tenant du titre qu'il est s'empare tranquillement du maillot jaune dès la dixième étape. Marco Pantani, lui, reste en embuscade en attendant les Alpes. Comme d'habitude, à ce moment-là du tour, il patiente, guette sa chance, et le jour venu, il la saisit de manière spectaculaire. Et il remporte haut la main la 15e étape, s'empare du maillot jaune, et met à distance son concurrent et favori, Jan Ullrich. Jean-François Rhin revient sur cette folle journée pour France Inter. Dernier exemplaire d'une race en voie d'extinction, celle de ces coureurs qui se sentent littéralement poussés des ailes dès que la route s'élève. Pantani, habitué des coups d'éclat sporadiques, ponctuels, s'est découvert l'âme d'un vainqueur, non seulement d'un Tour d'Italie, mais aussi, pourquoi pas, d'un Tour de France. Il y a indiscutablement dans ce diable d'homme du Bas-Montès, mais aussi du Charlie Gaulle. Son double démarrage hier dans le Galibier, mais aussi sur les pentes des deux Alpes, aura fait basculer le Tour, causant la perte définitive, le naufrage même d'un Jan Ullrich en perdition au bord de l'explosion, les yeux hagards, incapables de suivre le rythme, l'Allemand qui a certainement connu la plus grosse défaillance hier de sa carrière. Après cette démonstration, Pantani devient le favori mais aussi le chouchou des spectateurs qui peuplent les routes du Tour. Dans les médias, on parle de Pantanimania. En Italie, le pirate en ferait presque oublier l'élimination de la Squadra Azzurra en Coupe du Monde de football, enfin presque. Mais Pantani, qui a connu tant de désillusions dans sa carrière, c'est très bien qu'en cyclisme, comme en football d'ailleurs, tout peut basculer en quelques secondes. Et là, c'est une chute, une défaillance, ou un contrôle antidopage. Et il se trouve que ce Tour de France 98 est clairement celui de la piqûre. Les contrôles et les perquisitions s'enchaînent et beaucoup de coureurs abandonnent. Marco Pantani se fait le porte-parole d'un peloton qui s'estime harcelé par la police française. Le Tour n'est pas un jeu. On risque notre vie dans les descentes. Le cyclisme, c'est un sport qui demande des sacrifices. Et c'est inadmissible que la police vienne dans ma chambre pour chercher de la vitamine C. La vitamine C ou qu'elle m'emmène en prison pour comprendre si ce que j'ai dans ma valise est autorisé ou non. Nella valigia è ammesso o non ammesso. È anche ingiusto. C'est aussi injuste qu'un coureur, un champion, soit traité comme un assassin. Malgré tout, le tour se poursuit et ce sera pour le pirate celui de la consécration. Le 2 août 1998, sur les Champs-Élysées, Marco Pantani lève les bras au ciel. Il rejoint ainsi les légendes du cyclisme italien, Bottecchia, Bartali, Coppi, Nencini et Gimondi, le dernier vainqueur en 1965. Finalmente finito tutto, finito un lieto fine. Finalement, tout s'est terminé, une fin heureuse, je suis content. Après 2 mois de cette course, je défie quiconque de ne pas être heureux. Quel effet ça fait d'être ici et de monter sur le podium le plus beau du monde ? Ce tour a été tellement long et douloureux, ce sont des choses qui marquent et qui restent longtemps. C'est un beau moment. Sur la côte adriatique, à Cesenatico, on fête le nouveau champion, l'enfant du pays. Corri più veloce del vento, e il vento non ti prenderà mai. Corri ancora adesso, lo sento, sta soffiando sopra gli anni tuoi. Dammi la mano, fammi sognare, dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno pure. Dimmi cos'è che fa sentire il vuoto, che ti toglie tutto e fa finire il gioco. Dimmi cos'è dentro di te, dimmi perché. Cerchi in questo giorno d'inverno il sole che non tramonta mai. O cerchi in questa stanza d'albergo solo e sempre con i tuoi guai. Dammi la mano, fammi sognare, dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno. Fammi sognare, dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno pure. Oh. Affaires sensibles, Fabrice Drouet. Si è tolto la bandana, eccola sulla sinistra, Pantani occhiali via, vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione, Pantani sulla sinistra. Marco Pantani, son histoire est celle d'un Barry Lyndon du cyclisme. L'histoire d'une ascension spectaculaire et d'une chute brutale. Pourtant, 99, la question que l'on se pose encore est la suivante. Qui arrêtera Marco Pantani? Le champion continue sur sa lancée de 1998 avec un Giro qu'il domine et qu'il s'apprête à gagner. Deux jours avant l'arrivée, un contrôle antidopage est effectué. Et le résultat provoque une onde de choc. Le taux d'hématocrite de Marco Pantani, 52%, est légèrement supérieur à la limite autorisée, 50%. Il est donc suspendu et même exclu du Tour d'Italie. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il fracasse du poing la fenêtre de sa chambre. L'espoir de remporter un deuxième Tour d'Italie, qui pourtant lui tendait les bras, s'envole. Après une telle leçon, quand ce genre de choses arrive à un sportif qui a beaucoup donné au cyclisme, je suis vraiment peiné pour les supporters et surtout pour le cyclisme. J'ai déjà été contrôlé deux fois sur ce Giro, j'avais le maillot rose, j'avais alors 46 d'hématocrite et aujourd'hui je me réveille avec cette surprise. Je crois qu'il y a quelque chose de bizarre. Et je dois dire que repartir cette fois, ça va être très dur. J'ai déjà remonté la pente après de graves accidents, mais moralement, cette fois, nous avons touché le fond. Mais moralement, cette fois, je crois que nous avons touché le fond. Oh, des désillusions, Marco en a connu dans sa carrière. Mais à celle-ci, il ne s'attendait pas. D'ailleurs, pour lui, tout cela n'est qu'un complot. Pour le prouver, il fait tester son taux d'hématocrite une nouvelle fois. Le jour même d'ailleurs, dans une clinique. Et il est sous la limite. Pour apaiser sa colère, on dit qu'il a découpé son vélo à la Ciameto. Atterré, dépité, il se réfugie alors à Cesenatico, auprès de ses parents, dans la propriété qu'il a construite pour être près d'eux. Marco devient fou, et la presse le traque, semblant se délecter des malheurs de la star italienne. En cet été 99, le pirate ne sera pas sur les routes du Tour de France pour défendre son maillot jaune. Il tombe dans la dépression et commence à sniffer de la cocaïne. En janvier 2000, lors d'une conférence de presse, il annonce son retour. Il prend le départ du Giro, mais il ne retrouve pas sa forme d'antan. 13 juillet 2000, Mont Ventoux, 12e étape du Tour de France. Ce jour-là, Pantani est décroché du peloton. Mais au mental, il revient et il se met à attaquer. Il lâche tout le monde, sauf un coureur, Lance Armstrong. L'Américain, que l'on surnomme le mutant, rattrape Pantani et le nargue. S'ensuit une longue ascension mythique où Armstrong laisse finalement la victoire à l'Italien comme s'il lui faisait l'aumône. Une humiliation que Pantani ne digérera jamais. Il sait que l'Américain est dopé. Piqué au vif contre piqué tout court, dès la 16e étape, Pantani tente une échappée en solitaire à 130 km de l'arrivée qu'il ne parvient pas à mener à terme. Le lendemain, il abandonne le tour. Il ne sait pas encore, mais il vient de terminer sa dernière étape. Il ne reverra plus jamais les routes de Tours. La boucle est bouclée, y compris la grande boucle, mais sans lui. En août 2000, il participe au JO de Sydney, sans briller. Durant les mois qui suivent, il commence à faire parler de lui pour des frasques extra-sportives. Le 3 novembre, il provoque plusieurs accidents en volant de sa Mercedes. Le 4 mai 2001, il apprend que les organisateurs du Tour de France ne souhaitent pas qu'il participe à la prochaine édition. Le voilà, tricard. Il appelle alors les coureurs italiens à boycotter le Tour. Le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Gian Pedro Agus, explique la situation au micro de France Inter. Je crois que c'est quand même un gros mot hein, de boycotter. Je ne pense pas que les coureurs ils décident de boycotter le Tour de France. C'est une idée qu'a lancée Pantani, c'est vrai, parce qu'il est effondré qu'on puisse le mettre dehors d'un Tour de France auquel il tenait énormément et auquel il s'était préparé. Et c'est en Italie, il s'est ressenti comme une injustice et comme une grosse gifle vers un sport et surtout vers deux personnages, lui et Mario Cipollini, deux personnages qui sont quand même des représentants d'un cyclisme, ça aurait vieillissant, mais c'est quand même un cyclisme qui a donné des grandes victoires et des beaux moments au cyclisme non seulement italien mais français et international. Un mois plus tard, alors qu'il participe au Giro, Pantani est de nouveau exclu pour une seringue d'insuline retrouvée dans sa chambre. Sa carrière ne redécollera plus jamais, malgré un Giro qu'il termine à la 14e place en 2003, après un énième retour à la compétition. Au fil des jours, des mois et des semaines, il sombre dans la dépression et l'addiction. On dirait un peu Maradona. D'ailleurs, au mois de décembre 2003, en vacances à Cuba, il le croise. De loin, il ne discute pas apparemment. Mais enfin, il sent un homme comme lui, un peu barré, à la limite du hors-jeu, dans la vie. Les deux champions se comprennent peut-être à distance. Difficile pour un homme d'être starifié, puis traîné dans la boue par la presse. Et puis, il y a la cocaïne. Marco en consomme de plus en plus, à l'image de Diego. Une addiction qui va le perdre, comme Diego. Le 14 février 2004, c'est le choc pour tout le monde du cyclisme et toute l'Italie. Pantani est retrouvé inanimé par la police dans une chambre d'hôtel. Le lendemain, Françoise Laborde ouvre le JT de France 2 avec cette information. Madame, monsieur, bonsoir. Marco Pantani est mort seul hier soir dans une chambre d'hôtel de Rimini à quelques kilomètres du village où il était né. Il s'était isolé dans cet hôtel depuis 4 jours. Le coureur de 34 ans gisait à même le sol près de son lit. Une boîte d'anxiolytique a été retrouvée dans sa chambre. Le procureur de la République, dans une courte déclaration, a exclu le suicide, mais on attend évidemment le résultat de l'autopsie. L'Italie est en deuil. Le pirate est parti à l'âge de 34 ans. Et tout le monde se demande ce qui a bien pu se passer dans cette chambre de Rimini. Très vite, la piste de l'overdose est privilégiée. Marco Pantani serait mort des suites d'un œdème cérébral et pulmonaire lié à une surdose de cocaïne. Les derniers jours de l'Italien sont reconstitués. Ainsi, le lundi 9 février, il quitte Milan pour se rendre dans un hôtel à Rimini, station balnéaire sans grand charme, mais gros lieu de fête et de consommation de drogue. Il a 10 000 euros en liquide avec lui. Il paye son taxi, 680 euros, avant de s'installer dans une chambre de l'hôtel Le Rose. L'établissement n'a rien de luxueux, mais il a l'avantage d'être situé juste à côté du dealer de Pantani. Le coureur cycliste ou l'ex, qui a arrêté la compétition depuis 6 mois, lui achète 25 grammes de cocaïne pour 4 000 euros. Il retourne alors dans sa chambre, où selon l'enquête, il ne sortira plus pendant 5 jours. Le 14 février à 21h, la police découvre son corps sans vie. Le 15 janvier 2008, le dealer qui a vendu la dose mortelle à Marco Pantani est condamné à 4 ans et demi de prison. Mais Tonina Pantani, la mère du cycliste, reste persuadée que son fils n'est pas mort d'une overdose. Elle s'en explique dans l'émission Stade 2. J'ai encore en tête le coup de fil de sa manager quand elle m'a dit « Marco est mort ». J'ai eu un flash et depuis ce moment, j'ai toujours eu la même idée, c'est que Marco n'est pas mort comme ils l'ont fait croire au monde entier. En 2013, elle fait appel à l'avocat Antonio De Rensis, un ténor du barreau qui a notamment défendu Antonio Conte, l'entraîneur actuel de l'Inter de Milan, pour Paris Truqué avec l'équipe de Sienne. Avocat également des victimes du naufrage du Costa Concordia, cet homme est une star. Pendant une année entière, il reprend toute l'enquête sur la mort de Pantani. Il réunit des milliers de pages d'analyse et d'expertise. Selon lui, l'enquête a été bâclée et il y a de nombreux éléments troublants. Il s'en explique. On a décrit cela comme un désordre organisé. Marco a été décrit, pas par nous, dans le rapport officiel, comme en plein délirium psychomoteur dû à un abus de cocaïne. Mais le problème, c'est que tous les objets de valeur, ou qui pouvaient en avoir, ont été posés avec délicatesse. La télé était posée par terre. Le miroir a été arraché du mur, et puis il a été posé sur le sol, bien à l'endroit. À force d'obstination et de travail, Tonina Pantani et Antonio De Rensis obtiennent gain de cause. Le 2 août 2014, la justice italienne décide de rouvrir l'enquête sur la mort de Marco Pantani. Et la Gazzetta dello Sport titre « Ils ont tué Pantani » et publie dans ses pages une reconstitution illustrée du meurtre présumé. Car il y a des manquements dans l'enquête. Toute la scène de crime n'a pas été analysée. Les enquêteurs ont laissé de côté une bouteille avec des traces blanches située proche du lit de Marco Pantani. Selon une thèse développée par l'avocat, on aurait pu forcer le coureur à ingérer de la cocaïne en grande quantité. Et puis, sur les vidéos, on peut observer les enquêteurs sans gants. On les entend même renverser les objets. Mais la vraie question est toujours de savoir qui aurait pu en vouloir à Marco Pantani. Il y a la piste d'un dealer qui lui aurait volé l'argent liquide qui lui restait, ou celle d'une dispute avec un proche. Mais le 28 septembre 2017, la justice italienne clôt le dossier. Le pirate est mort d'une overdose de cocaïne et d'antidépresseurs. Sur un carnet retrouvé après sa mort, Pantani s'était confié et avait écrit « Combien d'hommes sombrent dans une tristesse torride en cherchant à rattraper leurs rêves qui se brisent dans les drogues. Je me sens un ex dans tous les sens du terme. J'ai débranché la prise. » Didier Vampas, qui en veut à Rimini, là où est mort Pantani. Alors, si vous aimez les endroits calmes, vous passez votre chemin. Si vous aimez Ibiza, vous vous arrêtez à Rimini. On n'est pas là pour parler tourisme. Philippe Brunel, bonjour. Bonjour. On est là pour parler cyclisme, journalisme sportif, auteur de Vie et mort de Marco Pantani. Alors, il meurt seul dans une chambre d'hôtel, à une vingtaine de kilomètres de son domicile. C'est une fin très triste. Comment on a réagi en Italie, monsieur et madame, l'italien, l'italienne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ça a été vécu, ça? Les Italiens, ouais. Oh, ben comme une tragédie, c'est tragique. Hein. C'est comme un homme jeune, une icône à l'époque, et on le retrouve mort comme un junkie sur le sol d'une chambre d'hôtel à Rimini, à 20 km de chez lui. C'est quand même insolite comme situation, et puis c'est brutal. Voilà, après, l'Italie n'a pas vraiment... chercher à savoir la vérité. Il n'y a pas eu de véritable enquête. L'enquête a été bâclée par la police locale, par le procureur, le juge Engarelli, qui siège encore aujourd'hui au tribunal de Rimini. Ça n'a pas été... Vous savez, en Italie, il y a souvent des affaires comme ça qui sont irrésolues. La mort du chanteur Tenco au festival de San Remo. J'ai presque envie de vous dire qui a tué le juge Giovanni Falcone. Il y a plein de Pasolini aussi, le cinéaste. Pasolini aussi. On sait quand même à l'extrême droite concernant Corleone. Ce ne sont que des hypothèses. Ce ne sont que des hypothèses, c'est vrai. Dans le cas de Falcone, on ne sait sait pas qui est le commanditaire. Oui, Totorina, probablement, mais c'est pas sûr. Oui, bref. Mais vous dites probablement. Voilà, voilà, tout est dans ce mot-là. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et donc Pantani, c'est un peu pareil, c'est resté... quelque chose, enfin une affaire un peu irrésolue, et puis c'est dans cette irrésolution sur le fond que la légende prospère. Mais bien sûr, voilà. Bien sûr, aussi. Alors, ces obsèques, vous y avez assisté ? Oui, oui. Racontez-moi, ça va être un moment dense quand même. Hein. Oui, c'était... Intense. C'était poignant, évidemment, il y avait des milliers de gens dans cette petite ville de Cesenatico qui est toute étroite, qui borde un canal qui a été dessiné par Leonardo da Vinci. C'est pour ça, à l'intérieur de ce canal, il y a des bateaux de pirates qui stagnent à longueur d'année. C'est pour ça qu'il est aussi surnommé le pirate. D'accord. Voilà. D'accord. Et non, c'était poignant parce qu'en vérité, l'enquête n'ayant pas eu de développement, ce jour-là, l'Italie était un peu... Il y avait quelque chose d'un peu de schizophrénique, c'est-à-dire qui est-ce qu'on enterrait ? Est-ce qu'on enterrait l'icône, l'idole qui enflammait un peu les audiences de la RAI? Parce qu'il faut savoir, vous avez parlé de ça dans le récit que vous venez de faire, c'est que Pantani, dans le Tour de France, les Alpes de montagne, il faisait 9 millions de téléspectateurs en Italie, c'est-à-dire plus fort que la squadra italienne de football. Donc il arrivait à agréger autour de sa personne une attention, une ferveur extraordinaire. Donc ce jour-là, on enterrait qui ? En vérité, un renégat, un proscrit, un personnage un peu, on peut dire... Écoutez, si les gens ont vu Barry Lyndon, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il vient... Il vient pas d'un milieu forcément favorisé, mais ni de favorisé, moyen finalement. Mais il monte, c'est une ascension, et la chute est terrible. Oui. Et il devient proscrit, effectivement. Pour les circonstances de sa mort, qui sont des circonstances un peu scabreuses quand même. Parce qu'en vérité, avant de mourir, les deux ou trois dernières années de sa vie, on savait qu'il était dépressif. On savait qu'il avait des problèmes avec l'addiction, avec la drogue. Et on savait aussi qu'il fréquentait un peu des gens, mais enfin, c'était courant dans cette région de l'Émilie-Romagne, là, Rimini, toute la côte, ça s'appelle la Riviera dello Sballo, ça veut dire la Riviera de tous les vices, les gens vont en discothèque. Par exemple, la cocaïne était quelque chose que même les gens communs prennent le soir pour aller danser, puisque c'était courant, c'était pas que Pantani, il s'inscrivait dans ce climat un peu étrange, avec depuis la chute du mur de Berlin, il y avait la mafia rouge, la mafia de l'Est qui commençait à s'intéresser aux affaires, au trafic de drogue. C'est une région aussi de haute prostitution. Donc lui, il s'est retrouvé dans un très, très, très mauvais contexte. Oui, s'il avait vécu en Toscane, il aurait été peut-être plus protégé. Oui, mais ça aurait été complètement différent. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en vérité, en plus, c'était, vous savez, les gens qui étaient autour de lui, qui étaient des gens pas toujours très très recommandables, parce que quand vous commencez à fréquenter des dealers pour avoir de la drogue, vous quand même commencez à fréquenter ces gens de la malavita, de la mauvaise vie, qui vendent, et le considéraient comme une sorte de bancomat, c'est-à-dire c'est un personnage qui avait de l'argent et on pouvait en user, on pouvait l'utiliser et je pense qu'il se servait de lui. En plus, Marco Pantani était un personnage extrêmement sensible, généreux, qui se méfiait pas vraiment des gens, qui était un altruiste. Vous savez, dans le Tour de France qu'il a gagné, le Tour de France de l'affaire Festina dont vous avez parlé, à un moment donné, le peloton a fait grève pour s'élever contre les contrôles qu'il trouvait trop sévères, contre une certaine forme de harcèlement judiciaire. Et il a été, à un moment donné, question dans le peloton que le peloton arrête le Tour de France. Et bien, Pantani, qui portait le maillot jaune, était d'accord. Ouais. Donc il l'aurait fait. Comme quoi, vous voyez, c'est un personnage quand même qui a une vue un peu plus large que son métier. Alors, on va se retrouver dans 3 minutes, après avoir écouté quelqu'un que vous connaissez forcément, Andrea Laszlo de Simone, La Nostra Fine. Ti rendi conto anche tu? Vivi per me, sì, però io non vivo più. È la nostra fine, è la nostra fine, è la nostra fine, questa è la nostra fine. stesso lo sai. La vita sceglie per noi. Possiamo parlarne se vuoi, sì, ma la notte è giunta per noi. È la nostra fine. È la nostra fine. È la nostra fine. Questa è la nostra fine. Philippe Brunel, la mère de notre héros d'aujourd'hui, Pantani, et d'autres n'excluent pas, n'affirment pas, hein, mais n'excluent pas qu'il eût pu être assassiné. Oui, oui, bien Qu'est-ce sûr. Qu'on en pense de ça? Bah, il y a plus de raisons de penser qu'il a été assassiné, donc il y a eu un homicide, que de raisons de penser qu'il s'est suicidé qu'il soit mort par overdose. L'idée, c'est que c'est une overdose contrainte, c'est-à-dire qu'on lui a ingéré la cocaïne, la boule de cocaïne qu'on a retrouvée à ses côtés, auprès de son cadavre. Oui, c'est parce que en vérité, il y a plein de l'enquête. Je l'ai moi-même menée, puisque j'ai été, comme vous m'avez demandé, si j'étais au funérailles, j'y étais pour le journal L'Équipe, mais après, déjà, là, j'avais vu des contradictions, des choses qui n'allaient pas, c'est-à-dire rien ne fonctionnait. D'abord, même déjà, le médecin légiste avait dit au juge qu'il était mort à 17h, et après, il a fait un rectificatif pour dire non, entre 10h et 11h. Et puis après, c'était un personnage qui avait détruit sa chambre, et j'ai eu très vite accès aux vidéos de la police. Et j'ai bien vu que tout était organisé. Enfin, il y avait un drap blanc qui pendait. Le divan avait été saccagé, mais on sentait que tout ça, il y avait une main de l'homme qui avait organisé, comme au théâtre, une sorte de scène macabre comme ça, pour faire penser qu'il était fou. Donc il fallait aussi associer cette idée d'un Pantani qui aurait saccagé sa chambre, qui était paranoïaque, qui était dépressif. Mais par ailleurs, il n'y a pas de relevé d'empreinte. Il a rien sous ses ongles. Ses ongles se sont pas brisés, alors que quand on brise une chambre, c'est quand même quelque chose qui doit avoir envoyé... Laisser des traces, quoi. Laisser des traces corporelles. Donc, il n'y avait rien de tout ça. Après, j'ai pas mal enquêté à l'intérieur de l'hôtel. Il y avait donc deux personnages. On voulait nous faire croire qu'il y avait ce personnage délirant qui avait détruit sa chambre. Par ailleurs, il prenait ses repas à heure fixe, ses médicaments à heure fixe, des repas de champions sans alcool. Il mangeait parce qu'il est resté 5 jours dans cet hôtel. Il mangeait une omelette, il se la faisait livrer. Le livreur du restaurant, le Riminiquet, qui était juste à côté de l'hôtel, qui lui livrait, trouvait un personnage tout à fait aimable, qui lui donnait des petites tapes dans le dos. Des voisins de palier l'ont vu, alors ils se plaignaient qu'il y avait du bruit, mais c'était un personnage tout à fait soigné, qui se rasait. Enfin, c'était pas... Oui, c'était pas quelqu'un qui est en forme d'épave, qui se laisse mourir, ou non, c'était pas ça. Non, pas du tout. Plus, on a retrouvé deux sweatshirts dans sa chambre qui n'étaient pas à lui, parce qu'on a dit qu'il avait vécu, traversé ses 5 jours seul, mais en vérité, il y avait deux sweatshirts qui n'étaient pas à lui. Quelqu'un l'avait vu près d'une cabine téléphonique le long de la mer à Rimini. On pouvait passer dans sa chambre en passant par le parking parce que l'ascenseur allait directement dans les étages et la vidéo ne fonctionnait pas. Donc il y avait plein de raisons, plein de zones d'ombre que l'avocat de Rensis a essayé de combler. Mais en même temps, c'était assez difficile parce que en Italie, lui, il se plaignait, il s'est plaint auprès de la réceptionniste qu'on l'agressait, et qu'il voulait prévenir les carabiniers. Et donc, moi, la réceptionniste était terrorisée à l'idée de témoigner sur ça. Terrorisée. Et en fait, ils ont appelé la police, qui normalement, c'est pas la police qui s'occupe de ce cas-là. Donc il y a des zones d'ombre, voilà. Il y a des choses qui nous interpellent. Alors, voilà. Dernière petite question sur ce point-là. S'il a été assassiné, conditionnel, il n'y a aucun problème. Ce serait par la mafia? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, je ne vous pose pas la question à vous, parce que vous ne savez pas. Ça serait parce qu'il voulait dénoncer, on va dire, un contexte mafieux qui l'entourait, et ils ont empêché de le faire, en lui ingérant une boule de cocaïne, en lui faisant avaler de l'eau. D'accord. C'était le dernier des Mohicans chez les Italiens, c'est le dernier grand cycliste, parce qu'évidemment, il y a ce côté noir, il y a ombre et lumière. La lumière, c'était un grand cycliste, super champion. Oui. Est-ce que c'est le dernier, pour l'instant, des Italiens? Oui, mais même, je pense, le dernier champion cycliste de l'histoire. Avant le prochain. Comment? Avant le prochain, vous êtes pessimiste. Non, je suis pas pessimiste. Dernier en date. À l'heure où je vous parle. Ah, d'accord. Oh non, je suis pas pessimiste. Non, mais je Puis pense. Ne dites pas ça pour le football italien non plus. Hein. Non, je vous le dis pas. Mais enfin, disons, c'est celui qui a suggéré le plus d'émotions depuis. Après, il y a eu Armstrong avec tout ce que l'on sait sur ce personnage. Oui. Voilà. Bon. Ah ben, on attend le prochain grand Italien. Il nous rappelle deux personnages, on va finir là-dessus, alors c'est un peu personnel, mais pourquoi pas. Déjà, Maradona, on racontait l'histoire de Maradona hier, je ne peux pas m'empêcher de faire quelques parallèles. Oui. Entre Madonna et Pandeli. Oui, mais ils ont terminé seuls tous les deux. Maradona, il est mort tout seul dans une sorte de résidence. Il est tout seul, ça se termine comme ça. Et puis votre deuxième personnage, je vais finir sur Maradona, parce que non seulement ça se termine comme ça, mais ça se joue comme ça aussi. Maradona, comme Pantani, est un grand sportif dans sa spécialité, encore plus Maradona. Il y a une partie de carrière qui est fabuleuse, qui monte, et ça descend pendant qu'ils sont encore en activité. Il y a déjà ces histoires de drogue, donc l'itinéraire est le même. Alors j'arrive au deuxième. Luis Ocaña, vous vous souvenez de ce cycliste espagnol qui était le seul à pouvoir vraiment rivaliser avec l'indépassable Eddy Merckx. Et puis, là encore, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore une espèce de rêve qui est passé dans le sport. Oui. Ocaña, oui, il était prêt à se faire encorner pour essayer de battre Eddy Merckx. Après, oui, ça s'est terminé par un suicide qui a été un peu contesté par son fils aussi. Il y a des zones d'ombre sur la mort de Luis Ocaña. Que dire? Je pense qu'il y a des personnages, ils ont connu une telle gloire, je sais pas, nous, on est des gens communs, on peut pas savoir ce que c'est que de vivre. Bien sûr. Et en plus, le sport où, vous savez, être sur un vélo, vous voyez les routes s'ouvrir devant vous, les spectateurs s'écarter. Moi, je me souviens que Marco Pantani me disait, c'est quand même quelque chose dont je me suis jamais remis dans l'école, d'entendre mon nom. Ça me faisait hérisser les poils sur les bras, d'entendre les gens, de voir tout l'amour que je leur donnais, la joie que je leur donnais. C'est quelque chose dont, après, ils ont les champions à ce niveau-là, ils ont des problèmes avec la vie. Ils sont handicapés avec la vie normale. Elle ne les intéresse pas. Et je pense qu'ils rejoignent. Vous savez, dans la vie, je pense, il y a des gens qui tout d'un coup choisissent la nuit, s'y noient, s'y enfoncent comme ça, parce que la vie elle-même, le réel, ne les intéresse pas. À travers le sport, ils ont trouvé peut-être une autre relation à la vie, un autre rapport avec la vie qui était bien plus stimulant. Ce sera le mot de la fin, Philippe Brunel. Merci infiniment pour tous vos éclairages. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Pantani, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Elise Christophe.